cette souffrance sur ses visages. Oui, je vois les enfants dehors, mais le temps passe. Ne dis pas qu'il n'y a rien à faire devant toute cette génération qui espère. Tant de fois je vois les images de ces massacres. Tant de fois je vois ces enfants soldats qui tiennent les armes. Le diable est dans leurs larmes. Ça brise mon idéal. Je crois qu'il faut entendre tous ces cris, tous ces pleurs de désespoir. Il ne faut plus se taire mais faire le premier pas. Je prie pour que ça s'arrange mais en attendant. Je prie pour que ça s'arrange, mais en attendant.